Pourquoi il y a besoin de la chaise? Non, il n'y a pas de bois de la chaise. Pourquoi tu veux enlever notre bazar? Il est bien sur la chaise. Il faut jouer de la musique, là, je pense. C'est pas mal, ça. C'est encore le piano. Bah, je sais pas trop ce qui me colle. Trop, trop, trop.